بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيّن أن الواجب على الجميع، et c'est une obligation pour tout le monde, de suivre هذا الصراط المستقيم، أي la voie droite. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأمر من الله، الله سبحانه وتعالى il a ordonné فاتبعوه، أي suivez cette voie. ابن القيم رحمة الله عليه قال: والسبيل الله وصراطه المستقيم، أي le droit chemin que Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous ordonné de suivre, هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. Ce droit chemin, c'est la voie du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est la voie de ses compagnons رضي الله تعالى عنهم. عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. C'est ça الصراط المستقيم. C'est ça la voie droite. C'est le Coran et la Sunna. Avec la compréhension des Sahaba رضي الله تعالى عنهم. Et chaque musulman, en réalité, il espère suivre هذا الصراط. Et chaque musulman, il demande هذا الصراط. اهدنا الصراط يدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. C'est ça la voie droite. Donc on doit faire des efforts pour la suivre. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بدليل قوله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا دليل أن الصراط المستقيم كما سيت في سورة الأنعام، c'est sirat que le prophète alayhi salatu wasalam nous a montré. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Le prophète sallallahu alayhi wasalam nous a montré cette voie claire. Faman ittaba'a rasulallah sallallahu alayhi wasalam fi qawlihi wa fi'lihi fa huwa ala siratin mustaqim wa huwa mimman yuhibbu Allah wa yaghfir lahu dhunubah. Celui qui suit cette voie, qui suit la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, autant qu'il peut, que ce soit dans ses paroles ou dans ses actes alayhi salatu wasalam, هذا il est ala sirat al-mustaqim. Et كذلك il fait partie de ceux que Allah azza wa jalla il aime. Et كذلك il fait partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il pardonnera. ومن خالفه في قوله او فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان. Celui qui délaisse la voie du prophète عليه الصلاة والسلام فالحقيقة il suit الشيطان, il suit ses passions. فلهذا قال عز وجل: ولا تتبع السبل. Et suivez la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Vous avez remarqué que la voie du prophète عليه الصلاة والسلام elle est citée au singulier dans le verset. وأن هذا صراطي. Il y a un sirat, il y a une voie. C'est la voie du prophète, alayhi salatu wasalam. Et vous avez remarqué que As-Subul, c'est cité au pluriel, c'est le pluriel de Sabil, avec des chemins. Des chemins qui contredisent la voie du prophète, alayhi salatu wasalam. Wa hiya kathira. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité on a le pluriel. Yanna al-haq wahid, wal batil kathir. La vérité, elle est unique, il n'y a qu'une vérité. C'est la vérité que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé azza wa jal. Amma al-batil fa kathir. Les groupes égarés, ils sont très nombreux. Les religions fausses, elles sont très très nombreuses. Les égarés sont encore plus nombreux. قال ابن القيم رحمه الله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالجنة والمغفرة والإحسان. هذا سنوعد شديد. Donc on doit faire des efforts pour suivre هذا السبيل. On doit faire des efforts dans la sincérité. لأن هذا السبيل, le fait de suivre le prophète alayhi salatu wasalam, c'est pas qu'en apparence. Là, c'est en apparence et kadhalik, ça avec le cœur, être sincère, aimer cette religion, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, aimer le prophète alayhi salatu wasalam plus que nous-mêmes et plus que toute autre chose. Wa min al-mukhalifin ad-dallin 'an tariq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mutasawwif al-munharifin. Et parmi ceux qui ont délaissé la voie du prophète alayhi salatu wasalam pour suivre des shayatin min al-ins ou al-jin, ou par ignorance, ou pour acquérir des biens de cette dunya, fahaula al-mutasawwifa as-sufiyya al-sufi. Walillahil hamd, dans notre dars précédent dans cette série sur les sectes en islam, on avait détaillé, walillahil hamd, certains fondements, certains égarements de cette secte. Wa fi hadhihi al-kalima naqif qalilan ma'a tariqatin min turuq as-sufiyya. Li'anna as-sufiyya, c'est un groupe, c'est une secte égarée, et tafarra'at min hadhihi al-umm al-khabitha de هذا الاصل. Et beaucoup de branches, beaucoup de autres groupes ils sont sortis, ce qu'ils appellent les confréries, ay at-turuq as-sufiyya. Et في هذه الكلمه فكما قلنا نقف قليلا مع طريقه من الطرق وهي الطريقه التيجانيه ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. On a choisi هذه الطريقة لأمور, pour plusieurs raisons. ومن هذه الأمور, et parmi ces raisons, أن هذه الطريقة انتشرت في هذه الآونة et dans certains بلاد أكثر. ضلالهم, il est واضح, c'est du كفر clair. Et les autres طرق, ربما on les utilisera pas pour l'instant. لكن celui qui connaît l'égarement de l'homme est la base de toutes ses confréries, est at-tasawwuf alladhi huwa mabni 'ala al-ilhad wa ash-shirk. Alhamdulillah, il arrivera à comprendre et pourra mettre en garde bi-idhnillahi 'azza wa jall contre toutes ses confréries. Ils sont tous 'ala dhalal wa 'ala inhiraf. Qala العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى, ومن ذلك أي من البدع الطرق الصوفية. Donc الطرق c'est le pluriel de طريق, de طريقة, أي c'est un chemin, une voie. قال الطرق الصوفية أي تفرقوا, ils se sont divisés en plusieurs groupes, et في الحقيقة ils sont tous unis pour combattre al-haq, ils sont tous unis sur l'égarement. Lakin li kulli bilad, ou dans plusieurs pays, ils ont une confrérie à eux, avec un cheikh à eux et avec des principes à eux. Wa illa ils sont tous ala mu'taqad as-sufiyya kama sayati inshaAllah ta'ala. Qala fa innaha turuq mubtadi'a wa muhdatha laysat min din al-islam بل هي من دس اعداء الاسلام. لماذا؟ لان ces confréries, leurs principes, ils sont pas fondés sur le Coran et sur le Sunna. Vous verrez que iyadan billah, ils ont des aqwal, des paroles, c'est de la mécréance claire. Mais ils ont des croyances qui sont fondées sur la mécréance, et leurs croyances iyadan billah كثيرا c'est du kufr akbar, لهذا قال العلامة شيخ البوزان حفظه الله ليست من دين الإسلام لأن الإسلام il est fondé sur quoi la religion de l'Islam elle est fondée sur quoi sur le tawhid sur شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Vous verrez que ces deux fondements, ils les ont contredits. At-tawhid, فَيَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ils adorent les tombes, ils adorent les saints. Il a akhiré. Et كذلك, ils font du rouleau, ils exagèrent sur leur mashayikh. حَتَّى رَفَعُوهُمْ. حَتَّى ils les ont élevés au-dessus de maqam al-nubuwa. Au-dessus du rang de la prophétie. فَلِهَذَا الشيخ البوزان حفظه الله لا أمبلوي سمو قال وتلقفها كثير من الجهال أو من الضلال. فالحقيقة الذين تأثروا بهذه الطرق إما جاهل من الجهال. Et ça c'est important de distinguer les suiveurs. Il y en a les suiveurs, ils sont pas tous au même niveau. Enfin, ne pas comprendre min kalam أهل العلم أن celui qui suit التجاني التجانية c'est forcément un kafir, un mushrik. Là, بعضهم c'est des juhal. بعضهم يحسنون الظن بهؤلاء. Ils pensent que c'est vraiment des gens pieux. Que c'est vraiment des personnes qui se consacrent à l'adoration. Les hadans, on doit bien différencier. Al-jahil yu'allam. On lui montre. On lui montre l'égarement de haoula. On lui montre as-sunna. On lui montre ni'mat al-islam. On lui montre anna hadhihi al-turuq. Ces confréries, elles sont fondées sur la mécréance et sur l'égarement. لعله يرجع إلا ظل من الضلال. C'est pour ça que tu trouves بعض الروافد الشيعة يتأثرون بالصوفية وبعض الصوفية يتأثرون بالشيعة الروافد وهكذا. قال الذين يريدون أن يحتالوا بها على الناس ويتزعموا بها على الناس بالباطل. Et c'est ça leur but. Leur but c'est الدنيا كثيرا. Et de prendre l'argent de Haoula al-Muslimin, al-Masakin, qui ignore beaucoup de choses. Ba'd al-Muslimin, ils ont une bonne intention. Ceux, ou celui qui voit fi al-Majjid, rester souvent au Majjid, faire du dhikr, même si c'est des bida', à cause de leur ignorance, ils n'arrivent pas à distinguer. Ils pensent que ses efforts, c'est forcément qu'il est bien. Ils n'ont pas al-ilm, ils n'ont pas la science pour discerner entre le bida' ou le sunnah, entre. بعضهم حتى entre الشرك et التوحيد. هذا سنمطر ماذا؟ سنمطر l'importance de faire الدعوة لأن المسلمين إزام الدين. Pourquoi dans certaines contrées ces confréries elles ont été propagées؟ لماذا؟ لأن dans ces pays dans ces régions العلم il était ضعيف. Pourquoi dans certaines contrées ça ne s'est pas propagé؟ لأن هناك علماء qui mettent en garde علم ظاهر ودعوة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء leur regardment il est fondé sur rien. Celui qui a un minimum de علم il acceptera pas leur bid'a, leurs innovations. Ça nous montre qu'on doit faire الدعوة, on doit montrer. لأن كما قلنا المسلم il aime le khair. Si c'est un صاحب حق qui l'appelle au khair, خاصة avec le bon comportement, avec علم الآخرة, le musulman il aime le din. Même s'il ne peut pas appliquer, il ne rejettera pas. Et si le musulman, le miskin, cet ignorant, un égaré, il lui fait da'wah, enfin pour lui, il n'y a pas de différence. Pour lui, tu es un musulman qui montre et l'autre, c'est un musulman qui montre. Le premier qui lui montre, Rabbama, il accepte. Allez, on doit faire des efforts. Man tashara al-batil fi makan ou fi zaman illa bi sabab da'f al-haq. Apprends-le comme une règle. On a dit à بعض الأئمة إنما يقوى الباطل إنما يقوى الباطل بالسكوت عنه. Le باطل quand il prend de l'ampleur ou il se propage, les malades, les gens, personne ne met en garde. Le باطل il se propage très vite. C'est comme un virus. Un virus il se propage s'il n'y a pas des causes pour l'arrêter. بإذن الله عز وجل. إما médicaments, إما certaines protections. المهم هكذا البدعة. Elle se propage très vite. Khassatan s'il n'y a pas de muqawama. Innama yaqwa al-batil bis-sukuti anhu. Qala rahimahu Allah. Fa turuq as-sufiyya turuq muhdatha wa turuq fasida wa turuq dhalla. مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة قال صلى الله عليه وسلم هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وليست الطرق الصوفية مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة. هذا سيكلير. Pourquoi? Et في الحقيقة هذا ça suffit pour montrer l'égarement de هؤلاء. Pourquoi ces confréries elles sont apparues plutôt il y a quelques années, il y a quelques siècles? لماذا؟ Ça montre انهم ils sont à la باطل وإلا فدين الحق. Il a été révélé au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. Le حق il a été toujours présent de l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à aujourd'hui. Et il sera toujours présent إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. Mais quand un groupe il apparaît هكذا avec des fondements qui ne sont pas cités dans le Coran ou dans la Sunna, avec des principes qui ne sont pas cités dans le Coran ou dans la Sunna, même si tu ne connais pas les détails, اعلم أنهم c'est un groupe égaré. C'est pour ça que si tu prends دعوة العلماء الأئمة المصلحين سواء دعوة الإمام أحمد أو بعده دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية أو دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أو à notre époque la دعوة des savants, فالحقيقة leur principe c'est les principes de الرسول صلى الله عليه وسلم de الصحابة. C'est pour ça que dans leur livre c'est écrit قال الله قال الرسول. Et eux, ils t'ont enseigné, si tu trouves dans leur livre ou une de leurs paroles qui contredit les textes, Al-Qur'an ou Al-Sunnah, tu ne prends pas. Contrairement à Ha'oula, vous verrez comme ils appellent les gens à les suivre. Vous verrez qu'ils ont inventé des choses, c'est fondé sur les rêves. C'est fondé sur des ondis. C'est fondé sur Ad-Dunya. Hada, en fait, c'est clair, lakin at-tawfiq, c'est min Allah. Qala, wa min dhalik... الطريقة التيجانية فإنها من أضل الطرق الصوفية وأفسدها ولها عقائد كفرية. Cette confrérie التيجانية ça fait partie, elle fait partie des plus égarés. كفر صريح dans leur livre. ضلال مبين. Leurs mashaykh ils leur ont montré des choses نعوذ بالله منها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وقد أنقذ الله منها بعض معتنقيها فردوا عليها وكتبوا في بيان كفرها وضلالها الكتابات المفيدة وهي مطبوعة. أساسا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته عز وجل بالعباد أنه سبحانه هدى بعض هؤلاء. Certains qui vont avec هؤلاء الله سبحانه وتعالى هداهم ثم أمم ils ont montré l'égarement de cette secte. ومن أشهرهم وأعلمهم العلامة الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي رحمة الله عليه. C'est parti de هؤلاء التيجانية quand il était jeune. Et الله سبحانه وتعالى هداه ثم il a fait des efforts في العلم et c'est devenu un savant de la sunnah. Et il a écrit son célèbre livre الهدية الهادية إلى طائفة التيجانية. Un livre d'une centaine de pages. Et il montre l'égarement de Ha'oula. Et t'astafid jiddan fi hadha al-hal. Pourquoi? Lianna al-mu'allif, le shaykh, il était avec eux. Il connaît leur égarement. Il était ma'ahum, il lisait leurs livres. Thumma hadahu Allah subhanahu wa ta'ala, il a répliqué avec le Coran wa sunnah. Et dans cette kalima, walillahi alhamd, ça n'astafid min kalamih, wa astafadna min kitabih. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. أولا on commence par نشأة هذه الطريقة أي un bref historique de cette confrérie, de cette secte. أما المؤسس le fondateur فهو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار التيجاني. ولد سنة 50 و100 وألف. En 1150, il est né de l'Égypte. En 1737 du calendrier grégorien de Nassara. Donc il y a quelques siècles. وفي نعم ولد نعم في قرية عين ماضي. C'est un village في الجزائر en Algérie. وَتُوفِيَ سَنَتْ ثَلَاثِينَ وَمِئَتَيْنَ وَأَلْفِ. Il est mort en 1230. Il a vécu 80 ans. Et il est mort fi Madinat Fas, fi Al-Maghrib. Et son qabr, il est هناك. قال تلميذه علي حرازم, c'est un de ses grands élèves. Et il a écrit un livre, Jawhar al-Ma'ani. Et c'est une référence. Inda ha'oula al-Dhullal. Jawhar al-Ma'ani. Et il a rapporté les paroles de son shir, al-Tijani. قال ثم رجع إلى قرية أبي سمعون وأقام بها واستوطن فيها ووقع له الفتح. Et cette période, après avoir étudié chez certains soufis, il est revenu dans ce village, ثم رجع إلى قرية أبي سمعون وأقام بها واستوطن. Il résidait هناك. Et quand il est revenu, وقع له الفتح. Ça veut dire quoi, hada? قال وأذن له صلى الله عليه وسلم في تلقين الخلق وعين له الورد الذي يلقنه في سنة 96 ومئة وألف. En 1196, on répète, il est né en 1150, donc il avait 46 ans. وعين له صلى الله عليه وسلم الاستغفار والصلاة عليه. هذا الكذب المفضوح أنه soi-disant il a rencontré le prophète عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا أنه ميزون عقيدة أن tu peux rencontrer le prophète عليه الصلاة والسلام يقظة pas en rêve. Un musulman il peut voir le rasoul صلى الله عليه وسلم en rêve. Là, هم ils disent réveillé. Et il a vraiment vu un nabi صلى الله عليه وسلم و le prophète عليه الصلاة والسلام il lui a montré qu'est-ce qu'il devait faire. أي il lui a appris صلاة الفاتح كما سيأتي إن شاء الله. Et il lui a donné la permission أذن له في التلقين الخلق, أي de faire الدعوة, d'appeler à cette voix. وعين له صلى الله عليه وسلم الاستغفار. Ça c'est très très grave. لماذا؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم il est mort, personne ne peut le rencontrer vivant أبدا. Et كذلك أن دين الله عز وجل كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما هذا الزنديق الآن يخطط أن à son époque il a eu l'autorisation de faire certaines choses, de légiférer certaines choses. Pourquoi? لأنه il a rencontré النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك في جوهر المعاني toujours dans le même livre, إن هذا الورد ادخره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه لأحد من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبيث إبقطاء أنه ce الورد c'est un ذكر une salat à faire à certains moments. Et il a prétendu أن النبي صلى الله عليه وسلم il n'a montré ce dhikr à personne. Il l'a réservé pour هذا التيجاني. Même ses compagnons رضي الله عنهم il ne l'aura pas enseigné. قال لعلمه صلى الله عليه وسلم بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على يدي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكذاب يخطأ أنه il savait qu'à son époque personne ne pouvait propager هذا et ce n'était pas le moment. Et il a attendu hatta cette période en 1196. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mort là à la 11e année de l'Hijra. 11 ans après l'Hijra. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Cette période on est en 1196. Donc un millénaire après, un peu plus. Et هذا الكذاب il prétend هذا. Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihi al-azim ya ayyuha ar-rasul بلغ ما أنزل إليك من ربك. Ce verset est très très important هنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ, de propager. وهذا الكذاب il a prétendu أن النبي صلى الله عليه وسلم il a pas propagé ce ذكر, هذا الورد, que 1000 ans après sa mort, un peu plus de 1000 ans après sa mort, à cet homme. هذا لا شك أن دو طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. C'est une accusation au prophète عليه الصلاة والسلام. أنه il a pas montré une chose. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. Il a montré, il a accompli sa mission. Celui qui prétend أنه il a caché une chose, ou il l'a pas montré, ou il l'a retardé, ça contredit ce verset. وإجماع العلماء أن من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان celui qui accuse le prophète صلى الله عليه وسلم d'avoir caché ou de ne pas avoir montré une adoration c'est de la grande mécréance. هذا c'est selon l'unanimité des savants. في الحقيقة cet égarement il suffit. لكن الهوى et الشيطان هذا الرجل qu'est-ce qu'il a vu الذي حصل له c'est quoi c'est وحي من الشيطان. Imma c'est un kadhab, imma il a menti. Il a menti pour des raisons quelconques, pour avoir des suiveurs, il a akhiré. Imma il a vraiment vu quelqu'un et c'est un shaitan. Il lui a fait croire ces choses. Qala azza wa jal wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal-jin yuhi ba'dhuhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura. Na'am zukhruf al-qawl ghurura. Na'am min sourate al-an'am. فهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض أي الشياطين الإنس والجن كل واحد يوحي إلى أخيه دي شوز. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de sectes. Les fondateurs, ils ont vu certaines choses. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن مؤسس جماعة التبليغ الضلال, le fondateur du groupe des tabligh, نفس الشيء, محمد إلياس, أنه il a vu soi-disant un rêve, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu dois faire telle chose. Le shaitan, il égare les gens. Tastafid min hadha anna notre dîn, c'est pas fondé sur les rêves. Notre dîn, c'est fondé sur le Coran et sur Sunnah. Si tu fais un rêve et le shaitan essaie de te faire croire telle adoration ou telle chose, ihdhar, c'est min talwis, iblis. Notre dîn, on le prend du Coran et de la Sunnah. Thumma, ba'da dhalik, intashra hadha al-fikr al-khabith. Et ce groupe, il a commencé à avoir des suiveurs. Et ça s'est propagé au départ au Maghreb, thumma, dans d'autres pays. Hatta asbahat hadhihi at-tariqa avec des mashayikh, des égarés, des millions de suiveurs. Fa na'oudou billah min ad-dalal. Tout ça à cause de quoi? Sababu al-jahl. Enfin, on répète, celui qui a un minimum de ilm, il comprendra très vite que ses confréries s'est basé sur le khurafat, sur le mensonge, sur dunya, sur l'argent, sur al-haram. Combien de kaba'ir ils font, sans parler du kufr, leur aqida, bel des choses très très graves, min zina ila akhiri wa liwat ayyadan billah. Wa na'am. Donc, انتشرت بالأخص في المغرب العربي, le nord de l'Afrique, et كذلك en Afrique de l'Ouest, إلى يومنا هذا. أما اعتقاد هؤلاء المنحرفين, parmi leurs croyances, et هنا on fait un تنبيه, on va résumer, لماذا لأن هؤلاء, on répète, c'est des صوفية. Enfin, leurs croyances تقدمت معنا dans les دروس précédents, ما يتعلق بالشرك إلى آخره. Lakin, on peut rajouter des choses qui sont spécifiques à Ha'oula, même si on ajoutera, مثلاً, le premier point, Wahdatul Wujud, on l'a déjà vu, lakin là, on le recite, et on citera des choses qui sont khas pour Ha'oula, qui sont spécifiques à cette confrérie. فمن عقيدتهم وحدة الوجود, هذا الاعتقاد الخطير جدا. قال أحمد التيجاني في جوهر المعاني, اعلم أن أذواق العارفين في ذوات الوجود أنهم يرون أعيان الموجودات كسراب بقيعة فما في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى. Ça c'est très très grave. في هذا الكلام il démontre أن ذوات الوجود, ذوات le plural de ذات, et tous, tout corps, ذات c'est un corps. Tout corps qui est mawjoud, qui existe, qui est présent, la haqiqa, c'est Allah. Et hada, c'est le kufr billahi subhanahu wa ta'ala. Hada al-qawl, il est très très grave. Et croire que Allah, il est partout. Croire que Allah, c'est tout. Taqaddam ma'ana, dans notre dars sur As-Soufiyya, anna wa'ad al-dullal, kal-Hallaj ibn Arabi, etc. Kanu yaqouloun, des paroles très très graves. Tastahi min dhikriha. Tastahi min at-talaffuz biha. Hatta wahid, il y avait un chien aboyé et il disait Subhana Rabbi ou Subhana Allah. En parlant de Al-Kalb, wahid, il disait Ma tahta al-jubba illallah. Et sous ce vêtement, c'est Allah. Et il parlait de lui-même. Sanatiqa. Wallahi anna ru'usaha ula. On ne parle pas de l'awam al-juhal, masakin, qui ne connaissent pas grand-chose et. On parle de الرؤوس كالحلاج وابن عربي وهذا الخبيث التجاني كثير من هؤلاء sont أكفر من اليهود والنصارى n'est aucun doute. Ils ont dépassé les juifs et les chrétiens dans la mécréance. C'est les frères de الروافد الضلال. فقال on répète فما في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. C'est ça. وحدته الوجود اي سك الوجود اللي واحد ليكزيستانس او tout ce qui existe في الحقيقه ça forme qu'un c'est الله عندهم ils ont pas comme عقيده المسلم بل عقيده حتى بعض المشركين ils font la différence entre الخالق والمخلوق هؤلاء pour eux c'est il y a aucune différence الله il est partout tout ce que tu vois c'est الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ومن عقائدهم في الحقيقة الطريقة اللي فوندي سور هذا الغلو الاكزاجيراسيون في الأولياء كسوا التجاني وأطر قال محمد العربي السائح التجاني في بغية المستفيد سانوت مرجع Le premier, Jawhar al-Ma'ani, et le deuxième, Bughyatu al-Mustafid. Aïe, ça c'est min kutub al-Tijaniya. La yajouz, shira'uha, wala qira'atuha, wala bay'uha, bien sûr. Tout ça c'est, yadam billah, ça renferme de l'égarement. Faqad thabata anhu, aïe, al-Tijani, min tariq al-thiqat al-athbat min mulazimih wa khassatihi, annahu akhwara tasrihan ala al-wajh. الذي لا يحتمل التأويل فتأمل toutes ces توكيدات أي il rapporte un Attijani il a informé à ses élèves et à ses proches et ce récit il lui est parvenu de personnes de confiance أي محمد العربي هذا أن Attijani qu'est-ce qu'il a dit قال أن السيد الوجود أخبره يقظة أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنفرمي التجاني بأنه هو الخاتم المحمدي المعروف عند جميع الأقطاب والصديقين أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنفرمي أنه هو الخاتم المحمدي أي هو dernier grand ولي قال وبأن مقامه لا مقام فوقه في بساط المعرفة بالله. Et ça c'est très très grave لأنه فيه إطلاق أن مقامه هو la place de هذا التجاني personne ne l'a atteint في معرفة الله عز وجل أي tellement qu'il était proche d'Allah سبحانه وتعالى tellement qu'il connaissait Allah سبحانه وتعالى أين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخره رضي الله عنهم ورضوا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني وإجماع العلماء أن أبا بكر وعمر سلمي يغدو سيد كومينوتي ثم عثمان ثم علي كذلك أين أصحاب عيسى les croyants qui étaient avec عيسى ses proches les croyants qui étaient avec موسى إلى آخره وقال التجاني dans un autre passage du même livre جوهر أو d'un autre livre نعم le premier qu'on avait cité جوهر المعاني من حصل له النظر فينا Et celui qui a vu At-Tijan, man hasala lahu an-nazar fina, et celui qui l'a vu, يوم الجمعة أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. Ça c'est من خرافاتهم. Et celui qui a vu At-Tijani le vendredi ou le lundi, enfin, il rentrera au paradis sans se faire châtier, sans rendre de compte. On a des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام qui montrent أن 70,000 من هذه الأمة يرنتخون في الجنة بغير حساب ولا عذاب. C'est qui? C'est الخلص من الموحدين. الذين لا يكتوون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون كذلك لا يتطيرون أي خلص الموحدين. Pourquoi ils ont atteint ce niveau? لأنهم يوحدون الله. Ils font pas de shirk, ils adorent Allah seul. Ils ont eu et ils auront بإذن الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. Ils auront cette récompense. أما انظروا هو la même récompense, il l'a cité pour qui? Pour ceux qui l'ont vu. Ceux qui ont vu At-Tijani le lundi et le vendredi. وقال كذلك في جوهر المعاني ليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا إلا أنا وحدي. هذا سنقول صريح أنه يفضل نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنه سلسل ليس لأحد من الرجال. من الرجال سنقلب تو tous les hommes, les prophètes et autres, les messagers, alayhim as-salatu wassalam, an yudkhil kaffat ashabi, et de faire rentrer tous ses compagnons, tous ses amis al-jannah, au paradis, bien sûr, hiyadam billah qal, sans hisab et sans adab, sans se faire châtier et sans rendre compte, même, et ta'ammalou, il a rajouté, walou amilou, min al-dhunoub ma amilou, même s'ils ont fait n'importe quel péché. Qala illa ana. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, comme min ayat, il démontre anna celui qui fait al-dhumb, al-akbar, al-shirku billah, il ne rentrera pas fil jannah. Innahu ma yushrik billah, faqad harram allahu alayhi al-jannah. Et dans l'autre verset, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa hadha al-khabith yaqul, law amilu min al-dhunub ma amilu. N'importe quel péché. Tant que c'était des compagnons de hadha al-tijani, fa ils rentreront fil jannah bila hisab ou la iqab. وقال كذلك قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور. Et ça c'est من الغلو et كذلك من الغرور والعجب بالنفس. قدماي هاتان أي ces deux pieds على رقبة كل ولي. Ces deux pieds sont sur le cou de chaque ولي. أي il est au-dessus de chaque ولي. Et chaque wali, il est soumis à lui, il est en dessous de ses pieds. Iyadam billah. Et ta'alamoun, anna al-anbiya wa rasul, c'est des awliya lillah. Bel c'est dhurwat al-awliya. Kadhalik ashabuhum, leurs compagnons. Wabil akhas, les compagnons de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qala al-allama al-shaykh Taqiyyaddin al-Hilali, rahmatullah alayhi, fi kitabihi al-madkour, al-hadiyya al-hadiyya, هذه المقالة تقشعر منها الجلود أي جلود أهل الإيمان. هذه المقالة في الحقيقة سادون لا شير دو بول كما نترجم نحن. لماذا؟ لأن هذا كلام خطير. قال الله عز وجل ثم إلى سيت الفيرسي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Il a cité ce verset pour montrer un kalamahu, c'est du kibr. C'est de l'orgueil. Prétendre que ses pieds sont sur le cou de chaque wali. Wa qala kama fi rima hizb ar-rahim, ça c'est un autre de leurs livres. Wa yanbaghi 'ala al-murid an ya'taqid fi shaykhihi annahu yara ahwalahu kullaha kama yara al-ashya fi az-zujajah. C'est pour ça que leur din, leur tariqa, ce groupe, cette secte, cette confrérie, elle est fondée sur al-roulou, sur l'exagération. Et ils enseignent hada à leur mourid, comme ils les appellent, à leurs suiveurs. Wa yanbaghi 'ala al-mourid. Al-mourid, c'est leur suiveur. An ya'taqid, ay de croire, fi shaykhihi, ay d'avoir la conviction que son cheikh, يرى أحواله كلها، أنه تسكيل فا اللفوة. هذا من صفات رب العالمين. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui voit tout, qui sait tout. Ils enseignent هذا à leurs suiveurs. لماذا؟ حتى ce suiveur, il ne contredit plus le shir. حتى ce suiveur, il n'a plus le choix. كذلك, ils profiteront de lui, de son argent, وربما de sa famille, de ses biens. لماذا؟ لأن هذا المريد, المسكين, ce suiveur, il va penser que ce shir, il n'est pas comme lui. Il sait tout, il voit tout. Il a un niveau comme le prophète plus haut. Rubbama ayyadan billah. La shakana un jahil. Rubbama, cette aqida elle rentre dans son cœur et ça devient une proie de haoula. Et c'est ce qui se passe dans certains bilad. قال الله عز وجل والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Ça c'est une sifat Allah عز وجل. أن الله سبحانه وتعالى يعلم متقلبكم. متقلبكم أي أحوالكم. Qu'est-ce que tu fais, où que tu vas, il a akhiri. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fera. Inna Allah ya'lamu ma taf'aloun. Ça c'est min sifati ar-Rabb. Kama taqaddam ma'ana dans notre dars plutôt sur l'explication des noms d'Allah. Inna Allah azza wa jal c'est l'alim, c'est le khabir, c'est le raqib. C'est lui qui voit tout, qui sait tout, c'est le basir, c'est le sami' azza wa jal. ومن ضلالهم كذلك ça fait partie de leur عقيدة صلاة الفاتح تقدم معنا قول التيجاني إن هذا الورد ادخره رسول الله صلى الله عليه وسلم لي هي ce ذكر النبي صلى الله عليه وسلم il l'a montré à personne jusqu'à qu'il l'a montré à هذا التيجاني وهذه الصلاة هي on peut citer un nos. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haq bil-haq al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqihi wa ala alihi haqq qadrih wa miqdarihi al-azim. Hadhihi as-sigha, cette formulation في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سين بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوزا مونتخي نوزا أبخي. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. Donc spécifier الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم avec هذا الذكر c'est une بدعة. Même si certains sens ils sont حق. قوله مثلا الناصر الحق الهادي الى صراطك المستقيم نعم يا beaucoup de passages c'est حق لكن اولا il faut bien comprendre ان الصيغه c'est une bid'a et le fait de spécifier الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم avec cette formulation dans certains moments ça c'est une innovation لماذا لان on a aucune preuve لكن le plus grave c'est العقيده qu'ils ont. Il faut bien comprendre que fi salat al-fatih, le plus grave, ce n'est pas as-sira, la formulation. Belle la formulation, beaucoup de passages, c'est le haqq. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a démontré ça. Mathalan, qawlu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq. Qawlu huwa al-khatim lima sabaq. Naam, al-fatih, ay, tout ce qu'il y a de nubuwa, annahu c'est le dernier des prophètes, annahu il a montré, il a guidé, tout ça c'est haqq. Lakin, ce qui est grave, huna, c'est al-aqida qu'ils ont. مثلا صاحب كتاب رماح حزب الرحيم قال il a rapporté إن من شروطها et parmi les conditions de ce ذكر pour le prononcer ou pour être récompensé أن يعتقد أنها من كلام الله. Ça c'est très très grave, ça c'est du kufr, c'est de la mécréance. Prétendre qu'une chose, une parole qui ne fait pas partie du Coran, prétendre que ça fait partie du Coran, c'est de la mécréance. C'est comme renier un verset, ou un mot, ou une lettre du Coran, c'est de la mécréance. لماذا لأن القرآن c'est كلام الله. Tu n'as pas le droit de renier une lettre et tu n'as pas le droit d'ajouter une lettre. فهؤلاء يقولون أن il faut avoir cette عقيدة أنها fait partie de كلام الله. قد يقول قائل mais ils disent pas que elle fait partie du Coran, ils disent qu'elle est Allah. Donc c'est un hadith qudsi. Et c'est très très grave. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui ment sur le prophète صلى الله عليه وسلم volontairement, qui prépare sa place en enfer, c'est très très grave. فما بالك celui qui ment sur le Rasoul et sur Allah عز وجل. نعم. وقال السفياني في الإفادة الأحمدية من لم يعتقد أنها من القرآن. هنا إلى الصرح. Dans un autre livre, ils ont الصرح أن celui qui n'a pas la conviction, qui ne croit pas أنها fait partie du Coran, أي هذا الورد هذا الذكر لم يصب الثواب فيها, il ne sera pas récompensé. C'est grave si un musulman il pense que هذا الذكر inventé, cette formulation que le prophète صلى الله عليه وسلم il a jamais prononcé, qu'il nous a pas enseigné, tu la trouveras dans aucun livre parmi les livres de hadith. C'est très très grave de penser ou de croire que ça fait partie du Coran. قال عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. Ça c'est من أظلم الناس, celui qui ment sur Allah. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا, celui qui prétend que هذا الذكر il fait partie ou ça fait partie نعم du Coran, il fait partie du Coran, هذا il a menti sur Allah عز وجل. هذا c'est من أظلم الناس. هؤلاء font partie des gens les plus injustes. لماذا؟ لأنهم يكذبون على الله. Et ils ont été la cause de l'égarement de beaucoup de gens. Et يوم القيامة ils rendront des comptes. وقال التجاني في جوهر المعاني إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل كل التسبيح وقع في الكون. Ça c'est من الغلوز ومن الانحراف. C'est l'égarement clair. أن celui qui récite une fois صلاة الفاتح, et le dhikr qu'on a lu, celui qui le récite une fois, ta'dilu, c'est l'équivalent de kulla tasbih waqa'a fil kawn. Ta'ammal anta, tasbih, il n'a pas dit fil ard, il a dit fil kawn. Ça veut dire tasbih des êtres humains. Kadhalik des djinns muslimin, kadhalik de le malaïka, kadhalik tasbih des animaux, des arbres. Kullu shay yusabbih. فهو يقول أن هذا الذكر une fois ça équivaut le tasbih de toutes les créatures dans les cieux, sur la terre, dans la mer et la akhira. فنعوذ بالله. قال وتعدل تلاوة القرآن ستة آلاف مرة. Et celui qui la récite, ça équivaut à la récitation du Coran 6000 fois. نعوذ بالله. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a informé أن سورة الإخلاص قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تأملوا سين سورة كي في partie du Coran et ça équivaut à le tiers du Coran, الثلث. هذا الكذاب يقول أن ce ذكر inventé ça équivaut à 6000 fois la lecture du Coran. لماذا؟ هذا c'est pour écarter les gens du Coran. Ce muslim ضعيف qui connaît pas son din, qui a été trompé par Haoula, peut-être qu'il a des faiblesses dans la lecture du Coran, il a des faiblesses dans beaucoup de choses. Tu lui annonces, là, tu récites ce dhikr qui fait une ligne ou un peu plus, ça équivaut à 6000 fois le Coran. Est-ce qu'il va faire des efforts dans la lecture du Coran ou en lisant ce dhikr? Là, chaque qui fera des efforts dans la lecture de ce dhikr. Et vu que c'est un être humain, s'il fait des efforts dans la lecture de ce dhikr, il ne pourra plus lire le Coran. Et il est loin du Coran. Ahlul bida'a, ahlul kufr, ahlul zandaqa, ils ont des stratégies pour égarer. Là, tu as dit هكذا ils foncent. ومن انحرافهم كذلك الشرك والتوسل بالأولياء. وهذا تقدم معنا كثيرا dans nos دروس. Et كذلك on en a parlé dans le cours sur la secte, sur الصوفية. لكن هنا on peut citer quelques points. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يذبحون des morts, يذبحون للأولياء, يتقربون للأموات بالذبائح بالنذور, كذلك طلب المدد, طلب الحوائج, طلب العون, ils demandent l'aide, ils demandent pour avoir des enfants, ils demandent pour que leurs enfants ils réussissent dans telle chose, ils sacrifient des bêtes, بل بعضهم يفون الحج. قبر التجاني الآن يزار. Il y a du shirk واضح dans le mausolée de هذا الرجل. Et tout ça, c'est au nom du tawassul. Quand ils se font conseiller, ils disent هذا c'est من التوسل. فالله سبحانه وتعالى قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent autre qu'Allah. مثلا sacrifier. Tu les vois, عند القبور, ils sacrifient des vaches, des moutons, des bêtes. Et ils disent, c'est من التوسل. الذبح, c'est une عبادة. لعن الله من ذبح لغير الله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا tu sacrifies pour ce mort et tu dis que c'est pour l'intercession. لماذا tu sacrifies pas pour Allah عز وجل? Et تتصدق بهذا اللحم. Thomas, tu donnes cette viande en sadaqa et t'ashkur Allah subhanahu wa ta'ala et tu adores Allah azza wa jal. Amma adorer autre qu'Allah. Thomas, dire que hada c'est pour l'intercession, il n'y a aucune différence entre ha'oula et kuffar Quraysh. La preuve c'est que le verset qu'on vient de citer, il a été révélé sur kuffar Quraysh. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandes que c'est qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Ils croyaient en Allah. Ils savaient que c'était le créateur, lakin ashraku بالله عز وجل في العبادة exactement comme هؤلاء القوم. فتقدم هذا كذلك تقدم معنا ما يتعلق بالبدع كسوا في المساجد ما يتعلق بالرقص والأذكار إلى آخره توسع ولله الحمد تقدم. On conclut avec une كلمه جميله de العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه. هؤلاء كسوا الشيخ تقي الدين الهلالي au Cheikh Mohamed Aman, alayhim rahmatullah, c'est des savants de la sunna, et ils ont vécu dans des pays où at-tasawuf il était propagé, que ce soit at-tijaniya ou d'autres turq, al-qadiriya, al-qadiriya, al-shadiliya, al-naqshbandiya, toutes ces turq. فلهذا هؤلاء من اعلم الناس بالقوم. C'est pour ça que tu t'évites من اقوالهم. C'est pour ça que tu trouves Cheikh Mohamed Aman rahmatullah alayhi, Cheikh Taqiyuddin et d'autres. يتكانوا يتكلمون كثيرا. لماذا؟ لأنهم ils ont vu le danger, ils ont vécu. بل الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه il était معهم au départ. فلهذا ils ont des أقوال مفيدة. فالمسلم il doit profiter de هؤلاء. قال كما في التصوف من صور الجاهلية الطرق الصوفية المنتشرة اليوم في العالم الإسلامي قد اتخذت كل طريقة أسلوبا خاصا لإفساد عقيدة المسلمين السذج أي الغافلين وسلب أموالهم وتغيير مفاهيم كثيرة من الدين من الدين لديهم. Ça c'est un كلام مفيد pour montrer c'est quoi le but de هؤلاء. هؤلاء ils utilisent tous les moyens كما قال قد اتخذت كل طريقة أسلوبا خاصا لإفساد عقيدة المسلمين وسلب أموالهم. Plupart de هؤلاء leur but c'est الدنيا. Des millions ils sont dépensés dans les mausolées. Des millions de sadaqat, النذور, des vœux, ذبائح, بعضهم des vêtements, بعضهم ils donnent de l'or. Tout ça pour الولي, pour Sidi Fulan. Et Sidi Fulan il est mort ou et tu trouves بعض الطماعين ils profitent. C'est pour ça que le musulman il doit pas être غافل الى هذه الدرجه. Tu trouves بعض الناس à moindre degré veut faire une sadaqa et il est obligé de aller chercher tel groupe, telle association. ثم avec les années, avec le temps, tu t'aperçois que c'était des menteurs, des voleurs, corruption. Le musulman il doit pas tomber à des غفلات. Et ça montre que le musulman ils ont une bonne niya لكن celui qui veut faire une sadaqa, fais une sadaqa directement. Tu n'as pas de proches qui ont besoin. Tu ne connais pas un pauvre musulman. Tu veux construire un masjid, tu n'as pas besoin de passer par un tel et un tel. On vit à une époque. Il faut avoir une bonne intention pour donner des grosses sommes dans certaines choses. Lakin l'ignorance. Qala. وتغيير مفاهيم كثيرة من الدين لديهم. C'est pour ça que tu trouves الذين عاشوا, ceux qui ont vécu, qui ont grandi dans un مجتمع où ces groupes soufis, tijaniya, ils sont en nombre. Tu trouves un homme, ils ont une conception, des idées, des principes éthiques qui sont baïdes. Prends l'exemple des rêves. Je peux lui citer un dalil clair min sahih al-Bukhari. Telle chose c'est haram. Il te regarde, il t'écoute. Thumma, tu lui cites même un verset du Coran. Il te regarde, il écoute. Ça ne lui fait pas grand-chose. Il ne comprend pas, même si tu lui expliques. Ba'dhom, ils ne comprennent pas et ba'dhom, ils ne veulent pas comprendre. Cite-lui un rêve et tu verras. Al-khushu', la concentration, et il te demandera l'explication. C'est pour ça que certains d'entre eux, ils font un rêve, ils ne s'arrêtent pas, hatta ils trouvent l'explication. Qu'elle soit fausse ou bonne, c'est autre chose. Amma les textes, le Coran, il est posé, Arubama, roubar, de la poussière dessus. Ulama, très facilement, tu peux les contacter. Hum, ils ne sont pas haoul hada. Pourquoi? C'est tarbiyatu as-soufiyya. Ils ont écarté al-muslimouna ou kathir min al-muslimin du Coran et de la sunna. Kadalik min tarbiyatihim annahum, ils accusent les autres. Daiman, c'est les autres qui sont en tort. Vous avez remarqué que adouhum al-akbar, c'est Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab. Tu trouves un ami qui ne connaît ni Cheikh al-Islam, ni al-da'wa, c'est quoi, ni al-sira' qu'il y a eu entre Cheikh al-Islam avec ses élèves et al-soufiyya, il ne connaît rien de tout cela. Lakin, il déteste sa da'wa. Maintenant, il déteste l'Arabie Saoudite. Il ne sait même pas pourquoi. Même tu lui montres ce bilad al-haramain, tu essayes de lui montrer avec hadihi al-hujja. Tu essayes de le raisonner, c'est bilad al-haramain. C'est le dernier de ses soucis. Hadihi al-tarbiya. Hadihi al-tarbiya. Ba'dhum, vous avez remarqué que al-shirk, c'est akbar al-dhunoub. Peut-être qu'il voit dans son quartier, ou certains membres de sa famille, ou lui-même, il sacrifie pour Allah. Il demande à autre qu'Allah. C'est pas grand-chose. Une petite chose de dunya. C'est pas quelque chose de d'énorme. Une petite chose de dunya, pour eux, c'est at-tarbiya. Amma sunni. Al-mu'min, al-mu'hid. Le croyant qui a été élevé avec at-tawhid ou qui a appris at-tawhid plus tard et qui a fait tawba. Walillah, alhamd, il remet les choses à leur place. Qala, wa hum fi ma baynahum mukhtalifoun mutanahiroun. Toute cette ruq. الحقيقة entre eux c'est le harb, ils se détestent. لماذا؟ لأن ما بني على الفساد c'est facide. Ils n'ont aucun principe, c'est que dunya. Les confréries entre eux, ils ne s'entendent pas. Belle dans la confrérie entre eux, ils ne s'aiment pas. لكن كل واحد il se tait sur l'autre من باب المصلحة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هكذا قال عز وجل. هكذا الشأن الكفار وأهل الانحراف من مبتدع وزنادق وغيرهم. Les égarés sont هكذا. Tu crois qu'ils sont unis, لكن والله ils se détestent. لكن قال الشيخ محمد أمان ولكنهم متفقون على محاربة الشريعة التي ترفعوا عنها وزهدوا فيها. لكن vu qu'ils ont un objectif commun, c'est combattre التوحيد. Leur ennemi à tous, c'est al-sunni, al-salafi, al-mouhid. Pourquoi tu leur dis que adorer les tombes, c'est haram? Pourquoi tu dis que voyager pour visiter les tombes, c'est haram? Pourquoi tu leur dis? C'est pour ça qu'ils détestent al-sunni. Et qu'à l'aile, عند al-sunni, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ils savent très bien. عند al-sunni, en général, tu trouveras l'ilm, tu trouveras ta'awun, amma beaucoup d'argent, beaucoup de dunya, khasatan alladhina ya'tanouna bil-ilm, tu ne trouveras pas beaucoup d'argent. Et hum, tout ça, ça ne les intéresse pas. Et Tathkurun, avant de citer l'autre parole, on avait cité dans le dars sur la secte des soufis, ta'awunuhum, khasatan at-tijani ha'oula ad-dullal, avec l'istimar, al-francis wa ghayrih. Ils ont aidé les colonisateurs, khasatan les endroits où il y avait soufis, et bien akhas at-tijani, que ce soit au Maghreb ou en Afrique. Regarde, fais des recherches, l'époque des colonies. Et le siècle dernier, à Sovia, ils étaient en grand nombre dans certains pays, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, et là, en Afrique de l'Est, au Sud. Les endroits où il y avait beaucoup de Sovia, tu verras que les colonisateurs ils sont rentrés. Mais qu'est-ce que c'est là? Tu verras que les pays où il n'y avait pas à Sovia ou à Shia, ils ont eu beaucoup de mal à rentrer. Même s'ils ont rentré, dans certains pays, ils avaient beaucoup de mal. Les mains d'aller en Haoulas de Khawana. ربما يبيع أخاه à un kafir pour quelque chose de une somme minime de الدنيا عيدا بالله. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله كذلك في تصحيح المفاهيم لا نعلم أن المسلمين ابتلوا ببلية أو أصيبوا بمصيبة أعظم وأخطر من مصيبة الصوفية. C'est une des plus grandes catastrophes qui a touché الأمة. لا نعلم أن المسلمين ابتلوا ببلية أو أصيبوا بمصيبة أو une épreuve أو une catastrophe plus grande que As-Soufiyya, tu ne trouveras pas. Illa Ar-Rawafid. C'est leurs frères, ils sont à la relou une wahid. Ils ont les mêmes principes dans beaucoup de choses. Enfin, ces deux groupes, As-Soufiyya ou Ar-Rawafid, As-Shi'a, Akhzahumullah, ils ont fait beaucoup de mal à la Ummah et ils continuent. Ils sont akhtar que Al-Amrad, Al-Muntashira. Al-Alam, le monde entier, ils sont en panique. Et ils prennent des mesures contre ce virus qui se propage là à Akhiré. Wallahi, anna hada al-marad al-bid'a, khasatan hadi al-bid'a al-kufriya. Al-tasawwuf wa al-rafd, c'est des bid'a, c'est des innovations, lakin les innovations se divisent en deux, kufriya wa ghayr kufriya. Al-bid'a, c'est un virus, c'est un danger, et encore plus quand c'est ce genre de bid'a, bid'a kubra. بدعة الجهمية والرافضة والتصوف إلى آخره. ففي الحقيقة لي بريكوسيون كون بخون الآن بور لا سانتي اون لي زوري بخيز ا بتيت ايشيل و ا غراند ايشيل بور نوتر دين فون اوري بريزيرفي نوتر مجتمع نوتر كوميونيتي نوتر بي نوتر ريجيون لأن سو فيروس سي اي تو توش لو فيروس كي بروباجي الآن اي تو توش اي تو فورا دو مال ا تون كور اي فورا بيان تا عقيدة بإذن الله عز وجل. بل celui qui meurt ويصبر ويحتسب كما جاء في الحديث فإلى أجر الشهداء إلى la récompense des martyrs, c'est un khir عظيم. Tu vas mourir, tu vas mourir. Celui qui meurt à cause de cette maladie, الحمد لله, il est à la khir عظيم. Et on mourra tous. Celui qui meurt avec la récompense de الشهادة en tant que shahid, c'est une ni'ma عظيمة. أما cette bid'a, ces bid'a, elle tue le cœur. Imagine un musulman, il a cette aqida sur salat al-fatih, sur l'Aulia, sur le Coran, sur le Rasoul. Ayyadan billah. C'est des croyances qui contredisent l'islam à la base. Celui qui veut détailler on peut citer quelques ouvrages. Le premier, Al-Hadiya, les Ta'ifati Al-Tijaniya, les Al-Allama al-Sheikh Taqiyuddin al-Hilali, al-Maghribi, rahmatullah alayh. C'est une référence. Ce livre, il est taïb, limada, liyanahu, il les a côtoyés. Il connaît leurs livres, il connaît leurs principes, il connaissait leurs principes, rahmatullah alayhi. Kadhalik, kitab, haqiqatu, al-firqati tijaniya, le Cheikh Abdurrahman al-Afriqi. C'est une risala, mukhtasara taïba, fil bab, stafadna minha. Et kadhalik, al-lajna daima, ils ont un bayan, fi al-fatawa, ani al-firqati tijaniya, et ils ont cité leur égarement. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار ونسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة والثبات حتى نلقاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.